Ce panneau indique que vous allez rencontrer un ralentisseur. On rencontre ce panneau dans les rues très fréquentées par les piétons.